L'ombre de quelqu'un s'allongea sur les pavés, en même temps qu'ils entendirent ces mots. « Serviteurs, messieurs !» Celui qui les prononçait était un petit homme, habillé d'une ample redingote brune et coiffé d'une casquette laissant paraître sous la visière un nez pointu. « Monsieur Rock ?» dit Frédéric. « Lui-même !» reprit la voix. Le Nogentais justifia sa présence en comptant qu'il revenait d'inspecter ses pièges à loups dans son jardin, au bord de l'eau. « Et vous voilà de retour dans nos pays ?»« Très bien. J'ai appris cela par ma fillette. La santé est toujours bonne, j'espère. Vous ne partez pas encore. » Et il s'en alla, rebuté sans doute par l'accueil de Frédéric. Madame Moreau, en effet, ne le fréquentait pas. Le père Roch vivait en concubinage avec sa bonne et on le considérait fort peu, bien qu'il fût le croupier d'élection, le régisseur de M. d'Ambreuse. « Le banquier qui demeure rue d'Anjou ?» reprit Delaurier. « C'est ce que tu devrais faire, mon brave. » Isidore les interrompit encore une fois. Il avait ordre de ramener Frédéric, définitivement. Madame s'inquiétait de son absence. « Bien, bien, on y va, » dit Delaurier. « Il ne découchera pas. » Et le domestique étant parti. « Tu devrais prier ce vieux de t'introduire chez les D'Ambreuse. Rien n'est utile comme de fréquenter une maison riche. Puisque tu as un habit noir et des gants blancs, profites-en. Il faut que tu ailles dans ce monde-là. Tu m'y mèneras plus tard. Un homme à millions, pense donc. Arrange-toi pour lui plaire, et à sa femme aussi. Deviens son amant. » Frédéric se récriait. « Mais je te dis là des choses classiques, il me semble. Rappelle-toi Rastignac dans la Comédie humaine. Tu réussiras, j'en suis sûr. » Frédéric avait tant de confiance en Delaurier qu'il se sentit ébranlé, et, oubliant Madame Arnoux, ou la comprenant dans la prédiction faite sur l'autre, il ne put s'empêcher de sourire. « Dernier conseil, passe tes examens. Un titre est toujours bon. Et lâche-moi franchement tes poètes catholiques et sataniques, aussi avancés en philosophie qu'on l'était au XIIe siècle. Ton désespoir est bête. De très grands particuliers ont eu des commencements plus difficiles, à commencer par Mirabeau. D'ailleurs, notre séparation ne sera pas si longue. Je ferai rendre gorge à mon filou de père. Il est temps que je m'en retourne. Adieu. As-tu 100 sous pour que je paie mon dîner ?» Frédéric lui donna 10 francs, le reste de la somme prise le matin à Isidore. Cependant, à 20 toises des ponts sur la rive gauche, une lumière brillait dans la lucarne d'une maison basse. Delaurier l'aperçut. Alors, il dit emphatiquement, tout en retirant son chapeau, « Vénus, reine des cieux, serviteur !» Mais la pénurie est la mère de la sagesse. Nous a-t-on assez calomniés pour ça, miséricorde ? Cette allusion à une aventure commune les mit en joie. Il riait très haut dans les rues. Puis, ayant soldé sa dépense à l'auberge, Delaurier reconduisit Frédéric jusqu'au carrefour de l'Hôtel-Dieu. Et, après une longue étreinte, les deux amis se séparèrent.